Vous écoutez France Culture. La radiodiffusion télévision française présente France Culture. Non, une seconde, je compte. Pourquoi faire ? France Culture, 50 ans de radio. Une émission de Philippe Garbi et Emmanuel Laurentin. Bonjour. À la toute fin de cette semaine consacrée aux voix de la francophonie, on pourrait, Emmanuel, s'apercevoir que nous n'avons pas posé la question. C'est quoi cette question ? Qu'est-ce que la francophonie ? Une question pas si étrange finalement. Les émissions de la semaine au Québec, en Belgique, en Afrique, les entretiens en français avec de grands créateurs non français, l'évocation des langues régionales en France, les débats sur la défense de cette fameuse langue française ont répondu sans doute à cette question. La CRPLF, elle, est la bonne instance pour poursuivre la déclinaison de notre thématique. Qu'est-ce que la CRPLF, Emmanuel ? Qu'est-ce qu'était la CRPLF ? La CRPLF, c'était la communauté des radios publiques de langue française. Maintenant, ça s'appelle les radios francophones publiques. La CRPLF, en tout cas, avait été créée en 1955 et en 95, elle célébrait donc ses 40 ans. Les 40 ans de la CRPLF, 24 heures dans la vie de la francophonie par Anis Clément. « 24 heures dans la vie de la francophonie » Anis Clément, Marie-Laure Collin. Une émission proposée par la CRPLF. Un espace linguistique commun pour la rencontre des hommes et des cultures. Un humanisme intégral, une symbiose des énergies dormantes de tous les continents et de toutes les races. C'est en ces termes que Léopold Sédar Senghor, très attaché à la langue et à la culture française, parlait de la francophonie en 1962. Plus simplement, la francophonie pourrait se définir comme une communauté plurielle, dont le dénominateur commun est la langue française, dans le respect des spécificités ethniques et culturelles de chaque partenaire. Mais être francophone, c'est beaucoup plus que parler français. C'est aussi une manière de penser, de voir, de partager des aspirations et des émotions. Très tôt, la radio a joué un rôle important dans le développement, l'illustration, la défense de la langue française. Le 17 novembre 1955, à Bruxelles, quatre personnes, le français Vladimir Porcher, le belge Roger Claus, le suisse René Dovaz et le canadien Benoît Lafleur, créaient la CRPLF. Communauté des radios publiques de langue française, réunissant Radio-Canada, la radio-télévision suisse et la radio-télévision belge et Radio France. Aujourd'hui, la CRPLF, qui rassemble plus de 70 millions d'auditeurs dans le monde, fête ses 40 ans d'échange, de concertation, de production, mais aussi de résistance contre l'uniformisation. Comment va la planète francophone ? Réponse avec un tour du monde de la langue française autour de deux journées, les 23 et 24 juin, fête de la Saint-Jean. Grâce à nos partenaires, nous irons sur trois continents. En Guadeloupe, au Cambodge, à l'île Maurice, en Côte d'Ivoire et en Louisiane. Phnom Penh. Journal du 23 juin 1995 de TV Kampuchea. Inauguration ce matin de l'école primaire Samdaï Mai du nom de la reine dans la province de Préveil à 80 km au sud de la capitale, Palais de Monaco. Une école qui a coûté à peu près 30 000 $. Étaient présents les deux premiers ministres et de nombreux ministres. Le reboisement étant très à la mode au Cambodge en ce moment, des bonzes et des écoliers ont planté 1200 plantes dans l'enceinte de l'école. Préparation de la coupe Saint-Sisemut pour célébrer la fête mondiale de la musique. Cette compétition est organisée par le Centre culturel français en coopération avec les deux ministères de la Culture et de l'Éducation et avec la participation de TVK. Elle se déroule le dimanche à partir de 16h au stade olympique. 135 candidats se sont inscrits à cette compétition. Chacun devra interpréter deux fois la même chanson, une première fois en français et une deuxième fois en khmer. Philippe Latour, rédacteur en chef de Cambodge ce soir et correspondant pour Radio France Internationale, en compagnie de Pin Samkon, président de l'association des journalistes Khmer, classée parmi les 50 personnes les plus influentes d'Asie pour l'année 94. Pin Samkon milite pour la liberté de la presse et pour un journalisme professionnel. Ce jour-là, le 24 juin, un projet de loi sur la presse devait passer au Parlement. En effet, au Cambodge, la presse est encore soumise à une censure gouvernementale et journaux et journalistes sont punis par de sévères amendes quand le discours officiel s'estime transgressé. Pin Samkon a 48 ans. Comment a-t-il appris le français ? Ben, le français, je l'ai appris depuis le cours moyen deuxième année. J'étais en primaire et puis j'ai commencé à apprendre le français comme ça. Mes parents vivaient dans l'époque protectorat, donc mon père, il parle bien français. Et qu'est-ce qu'il faisait comme métier, votre père ? Il était commandant dans l'armée. Et puis, ben, j'ai continué le parcours à partir de cours moyen deuxième année. Et puis, au lycée, le cours est à moitié en français et en khmer. Et puis, après la classe de seconde et première, c'est presque totalement en français. Et à l'université, alors c'est totalement en français. Il n'y a pas une seule matière en khmer. Donc, je continue à apprendre à lire et à écrire le français depuis ce temps-là. Et puis, arrivé au moment... C'était à quelle époque, ça ? C'était vers 70 jusqu'à 75. Et à ce moment-là, j'ai des amis français qui m'ont aidé à parler le français, mais c'était le français, le français plus écrit que français parlé dans la rue. Et en 75, en fin 74, j'arrive en France parce que je ne pourrais plus travailler au Cambodge. La guerre a ravagé tous les coins. Alors, comme je n'ai pas voulu rentrer dans l'armée, alors j'ai décidé de prolonger mes études en France. C'est là que j'ai quitté le Cambodge pour arriver en France avec vraiment très peu de moyens. J'arrivais en France avec un peu plus de 100 dollars restés dans ma poche. Soutenu par un ami, je suis vécu jusque-là. Et le Cambodge a été tombé tout de suite après. Alors, j'ai commencé à travailler en France. Quel métier est-ce que vous avez fait d'abord en arrivant ? Oh, c'était vraiment le main-d'œuvre. Vraiment le plus bas. J'ai laissé tout tomber, mes études et tout. Je considère comme je n'ai pas de formation, je n'ai rien du tout. Et puis, je reprends tout à zéro. Puisque mon diplôme n'a pas été reconnu, j'ai mon bac français, mais tous les diplômes n'ont pas été reconnus étant, comment on appelle ça, professionnellement équivalent. Donc, je me suis dit, je laisse tout tomber et puis j'attends le moment venu. Et c'est là que je commence à trouver que le français écrit est totalement différent du français de la rue. Alors, il faut que j'apprenne encore une autre fois le français en France. Il me faut facilement 6 mois à 1 an pour comprendre exactement ce que ça veut dire. Le mot « merde », par exemple, c'est un mot qui, pour moi, était très fâcheux sur le moment, en 75, au moment où j'arrivais en France. Mais maintenant, j'ai compris. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de Cambodgiens. À l'époque, en arrivant en France, ils commencent à travailler dans les milieux très, très ouvriers. Et puis, quand les ouvriers la parlent de mot « merde », ils se sont battus pour ces mots-là. Alors, je me souviens très, très bien de ces moments-là, parce que ce sont les mots qui sont les mots de notre culture, très, très bas dans notre culture. Alors, le français arrive pas à ce biais-là. Mais je suis resté 20 ans en France, et puis je suis revenu en 1992. Quels sont les liens que vous gardez aujourd'hui avec la France ? Le lien, c'est mes filles, elles sont en France. Elles continuent à travailler, à aller à l'école. Je crois que la France aura une place, une bonne place au Cambodge avec la langue française. La fête de la musique à Phnom Penh était organisée par Michel Thureau, du Centre culturel français. Comment réagissent-ils par rapport à la chanson en français ? Bien, ils réagissent très bien puisque nous avons lié cette opération à un personnage cambodgien très populaire, M. Sensi Samut, le grand chanteur des années 1960, qui est un peu le Tino Rossi local et qui a popularisé un certain nombre de chansons françaises en khmer dans leur version originale et dans leur traduction. Et en 1995, on peut encore entendre dans les dancings de Phnom Penh, dans les mariages et dans les fêtes populaires, des chansons comme Aline, J'attendrai, Dernier baiser, Rien qu'une larme dans tes yeux, etc. En khmer et en français. Donc il n'y a pas eu de problème sur ce plan-là. Les jeunes qui chantent aujourd'hui en français sont des jeunes qui parlent français ? Disons que 75% des candidats sont effectivement des jeunes qui sont en relation avec l'Alliance française, mais il y a quand même 25% des candidats qui viennent de l'extérieur, dans des écoles où on n'enseigne pas du tout le français, et qui ont pris la peine d'apprendre les paroles françaises en écoutant les cassettes qu'on a mis à leur disposition et les livrets de paroles. La Corée et la Chine offrent des cours de français à la radio et à la télévision. Mais d'une manière générale, dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, la qualité du français enseigné est plutôt faible. L'océan Indien, à l'est de Madagascar, l'île Maurice, capitale, Port-Louis. La langue officielle est l'anglais, mais on y parle aussi le français et le créole. Il est 7h, mesdames et messieurs, bonjour. Vous écoutez la MBC, station de radiodiffusion et de télévision nationale de la République de Maurice. Peak time jusqu'à 9h sur 684 kHz RME. Pour Rodrigue, 1206 kHz et en modulation de fréquence 97.3 pour la région de Plaine-Willems, 91.7 pour le nord et 89.3 pour le sud. En ce vendredi 23 juin 1995, le premier journal en français de la matinée, Jane Mary Rivière. Deuxième journée de la mission de promotion des produits indiens à Maurice, plusieurs secteurs d'intérêt mutuel identifiés pour des partenariats. La certification de l'ISO 14000 et l'introduction de nouvelles normes dans le textile, une délégation mauricienne se rend à Oslo pour participer aux délibérations. Russie, Boris Yeltsin renouvelle sa confiance au Premier ministre et ce malgré l'affaire de prise d'otage de Budenovski et l'adoption d'une motion de censure contre le gouvernement. Nous avons choisi pour vous une citation de l'auteur français Sébastien Chamfort. La société est composée de deux grandes classes, ceux qui ont plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner. Mauritius Broadcasting Corporation, Pamela Patten et Norbert Benoît, 55 ans, Docteur ès-lettres de l'Institut des langues et civilisations orientales de Paris, enseignant, conteur et écrivain. Les contes de l'île Maurice, aux presses universitaires de France et histoire du théâtre de Port-Louis. Comment s'est déroulée sa journée du 23 juin 1995 ? Ben, j'aurais peut-être oublié le 23 juin. Mais cette date, je ne peux pas l'oublier parce que c'est l'anniversaire de mon fils. Donc 26 ans dans la vie d'un homme, c'est un peu aussi l'année où j'ai fait le choix de certaines études. Donc 23 juin, aujourd'hui, sera avec lui, ma pensée sera pour lui. Peut-être ce soir, nous n'aurons pas encore décidé, nous irons au restaurant, essayons de manger un peu différent. Mais c'est surtout d'être ensemble, ma femme, moi-même, mon fils et la fiancée de mon fils. Parlons de la langue française, le français qui vous entoure, et puis surtout les rapports entre le français et les langues locales. Vous voyez, Pamela, actuellement, quand je parle et quand je réfléchis, il me semble que tout me vient en français. Mais je voudrais affirmer surtout ceci, que ma langue est le créole. C'est ma langue maternelle, et le créole, c'est dans le créole et par le créole que j'ai appréhendé le monde. Alors, comment... Donc, c'est-à-dire que quand je vois le français, je ne voudrais pas me sentir un asservi. Je suis heureux de me dire que cette langue, j'ai pu la maîtriser tant soit peu, que je connais une bonne partie de ses poètes et de ses écrivains. C'est dans cette langue que je m'exprime un peu plus facilement qu'en anglais, et que parfois il m'arrive même difficilement à trouver des expressions équivalentes pour le créole. Alors, comment est-ce que je vois ce français? Eh bien, premièrement, je suis heureux de voir que le français n'est plus cette sorte de langue de l'envahisseur, du colon, qu'il est maintenant au service d'un plus grand nombre. Voilà. Alors, quel français qui m'entoure? Ben, je n'ai pas l'impression que ce soit ce français précieux qui a été autrefois l'apanage de beaucoup de gens. Actuellement, le français est bien plus une langue que l'on utilise parce qu'elle est belle, et aussi c'est peut-être par cela que l'on apprend un peu mieux le monde. Est-ce qu'on peut parler du rôle du français dans la vie du pays? Oui, vous voyez, ce pays se dit bilingue. D'autres personnes trouveront que c'est peut-être pas le terme qu'il faudrait employer. Normalement, c'est l'anglais qui est la langue officielle, mais c'est par le français que... Non, ne négligeons pas, quand même pas le créole, mais disons, la place du français devient de plus importante dans ce pays. Le français, ben, tout le monde le comprend. Peut-être qu'on ne le parle pas, tout le monde ne le parle pas, mais c'est, j'ai l'impression, c'est la langue de l'amitié. Je ne vais pas vous dire que c'est la langue de l'amour. Je trouve que, par exemple, une lettre d'amour, ça s'écrit en français. Un poème qu'on va dire, ce sera en français plus. Mais que je vous dis, je ne me sens surtout pas un asservi de cette langue. Je prends bien mes distances de tout le monde parce que je me sens viscéralement attaché à ma terre. Donc, s'il y avait une langue qui serait le mauricien, ce serait cette langue-là qui serait la mienne. Mais le français, c'est mon grand amour, oui, je dois le dire aussi. Norbert Benoît, dans votre vie, le français représente quoi? Peut-être tout d'abord dans le passé et aujourd'hui. Dans le passé, le français était la langue que je honnissais. C'était la langue qui m'excluait d'une certaine société. Parce que je ne parlais pas cette langue, eh bien, j'étais un citoyen de second ordre. Vous voyez, j'ai commencé à parler, à avoir ma première conversation en français. Je situe cela. Pour moi, les dates, c'est important. Vous allez dire que c'est pour l'historien, c'est ça. Oui. Je pense avoir fait ma première conversation en français à l'âge de 13 ans ou 14 ans. Bon, alors que maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de ces choses me viennent en français. Alors, c'était ça, la langue d'abord. C'était un peu cette langue qui me coupait de certaines choses. Oh, maintenant, je l'utilise. Je l'utilise d'une façon assez facile. Alors, je me sens lié corps et âme à cette langue, tout en disant, mais ma mère, c'est le créole. Extrait des 40 ans de la CRPLF, 24 heures dans la vie de la francophonie, par Anis Clément, réalisation Marie-Laure Collin, première diffusion sur France Culture le 19 septembre 1995. Se sentir français et prendre conscience du désir d'indépendance de son pays ancien président de la République du Sénégal, aujourd'hui secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf était en juillet 2010 l'invité de Laure Adler dans Hors Champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous. Hors-champ ce soir en compagnie de Abdou Diouf. Abdou Diouf, vous souvenez-vous de cette première fois où on vous a donné un dictionnaire Lavis ? On m'a donné un livre d'histoire, Ernest Lavis. J'étais dans les premières classes de l'école primaire et cela m'a donné le goût de l'histoire. J'aimais beaucoup feuilleter ce livre, voir Henri IV... à genoux, courant dans tous les sens avec ses enfants sur le dos, voir Napoléon Bonaparte franchissant le pont d'Arcole, ou bien voir Charlemagne parlant aux jeunes écoliers pour leur dire qu'il fallait travailler et qu'à ceux qui ne travailleraient pas, ils ne donneraient rien, ou voir Roland à Roncevaux, ou encore, après la guerre 14-18, sur les Champs-Élysées, voir le défilé avec les maréchaux Foch et Joffre, à égalité, en train de mener le défilé. Pas beaucoup de blagues, hein, dans toute cette galerie de portraits de Lavis. Oui, on voyait quand même Saint-Louis sous son chêne, en train de rendre la justice. On voyait quand même les druides cueillant le gui. Et cela me ramène à Astérix, dont je suis un fidèle lecteur. Le soir, pour dormir... Vraiment, mon somnifère, c'est de prendre Astérix. Je rends hommage au génie de Goscinny et du Rerzo. Et c'est vraiment, j'ai l'impression d'être plongé dans la Gaule. Vous savez, nous disions à l'époque, dans nos livres d'histoire, nos ancêtres les Gaulois. Et vous le pensiez ? On le disait pas très sérieusement, mais enfin, on était... Vous en rigoliez ou vous... Un peu, mais on était quand même citoyens de la République française. Moi, j'étais... de Saint-Louis du Sénégal, vous savez que les quatre communes du Sénégal, Saint-Louis, Dakar, Gorée, Rufisque, étaient composées de citoyens sénégalais. Donc, je me sentais pleinement, de citoyens français, je me sentais pleinement français. Et quand avez-vous commencé à sentir à l'intérieur de vous que bah, vous aviez une histoire, qu'un jour, peut-être... il y aurait l'indépendance de votre propre pays, mais aussi des pays voisins. Est-ce que vous avez été éveillé à cette conscience de l'indépendance assez tôt par vos lectures ou par des rencontres, Abdou Diouf ? Par les deux. D'abord, par mes lectures, je lisais beaucoup. J'étais dans une maison élevée par ma grand-mère paternelle. Qui a beaucoup compté pour vous. Oui, et sa nièce avait un mari fonctionnaire qui amenait toujours à la maison beaucoup de journaux. Très tôt, j'ai lu Le Monde, j'ai lu François, j'ai lu tous les journaux de l'époque. Et surtout, ma tante, qui était la nièce de ma grand-mère paternelle, qui était donc la cousine germaine de mon père, était la présidente des comités de Senghor, sur le plan politique, à Saint-Louis, où Senghor était minoritaire. Et moi, j'étais chargé de rédiger les lettres que ces femmes politiciennes envoyaient au député Léopold Sédar Senghor. Et j'étais chargé... Député de la République. Député de la République française. Siégeant à l'Assemblée nationale, ici. Et dont il faut rappeler qu'il était agrégé de l'Université française et qu'il a commencé son enseignement aux jeunes têtes blondes françaises à Tours, où je me suis rendu d'ailleurs avec Renaud Donodier de Vabre en pèlerinage en 2006. Premier agrégé noir de l'histoire de France. De l'histoire. Et je reviens à Senghor. Donc, je rédigeais les lettres adressées au député Senghor. Je lisais à ces femmes analphabètes les lettres que le député Senghor répond. Il répondait ponctuellement. Hein, donc, vous étiez un écrivain public à la J'étais un écrivain public avec ma tante et tout son comité de femmes, toutes ces femmes qui défendaient Senghor. Et vous, le petit garçon, au milieu de cette tribu de femmes. Au milieu de cette tribu de femmes et qui m'ont appris le courage, l'énergie, le respect des convictions. Et j'étais obligé aussi de leur lire les journaux. Mais vous passiez votre vie à ça, alors? Oui, je faisais beaucoup de politique. Mais je continuais mes études aussi en même temps. Mes études coraniques, mes études primaires, et puis ensuite mes études secondaires. Je faisais tout cela en même temps. Ce qu'il faut dire, Abdou Diouf, c'est que vous êtes d'un milieu assez modeste. Votre père était postier. Oui. Et que rien ne vous prédisposait à faire cette carrière fulgurante. C'est uniquement parce que vous avez dû être un très bon élève que vous avez franchi toutes les étapes de l'école de la République. Oui, j'étais un bon élève, certes, mais les circonstances aussi m'ont beaucoup favorisé. Parce que être le neveu de la femme qui défendait Senghor à Saint-Louis, me retrouver ensuite breveté de l'École nationale de la France d'outre-mer, donc haut fonctionnaire français. Le Sénégal devenant indépendant, bien sûr, nous étions très peu à avoir suivi un tel cursus. Et je me suis retrouvé projeté à 26 ans comme gouverneur de région et à 28 ans comme secrétaire général de la présidence de la République par la grâce de Senghor, dans un régime où il n'y avait pas de premier ministre. Donc je coordonnais l'action gouvernementale et ministre du plan très rapidement, en moins de 2 ans, et premier ministre à 34 ans. Donc c'était un destin quand même. Et c'est Senghor qui m'a tiré vers le haut. Nous allons écouter la voix de Léopold Sédar Senghor, poète, grammairien et accessoirement président. La faiblesse du cœur est sainte. Ah, tu crois que je ne l'ai pas aimé. Ma négresse blonde d'huile de palme à la taille de plume, cuisse de loutre en surprise et de neige du Kilimandjaro, sein de rizières mûres et de collines d'acacia sous le vent d'est, n'olivée aux bras de boa, aux lèvres de serpent minute, n'olivée aux yeux de constellation, point de besoin de lune, pas de tam-tam, mais sa voix dans ma tête et le pouls fiévreux de la nuit. Ah, tu crois que je ne l'ai pas aimé. Mais ces longues années, cet écartèlement sur la roue des années, ce carcan qui étranglait toute action, cette longue nuit sans sommeil. Gérée, cavale du Zambèze, courante et ruante aux étoiles, rongée d'un mal sans nom comme d'un léopard sur le garrot. Je ne l'aurais pas tué si moins aimé. Il fallait échapper au doute, à l'ivresse du lait de sa bouche, au tam-tam lancinant de la nuit de mon sang, à mes entrailles de lave fervente, aux mines d'uranium de mon cœur dans les abîmes de ma négritude, à mon amour, à un olivier pour l'amour de mon peuple noir. Nous venons d'entendre le Senghor poète. C'est un extrait de La faiblesse du cœur. Je crois qu'aujourd'hui, avec le recul du temps, nous pouvons dire que Léopold Sédar Senghor a été un très grand président, qu'il est encore un très grand poète, enseigné, comme vous le savez sans doute, enseigné plus et célébré beaucoup plus aux États-Unis, où des chaires entières lui sont consacrées, notamment Alain Mabankou qui enseigne Léopold Sédar Senghor aux États-Unis. Et je trouve un peu trop peu en France, dans la France métropolitaine. Qu'en pensez-vous, Abdou Diouf ? Je ne suis pas les programmes d'enseignement en France, mais je pense que ce serait un grand dommage si Léopold Sédar Senghor n'était pas enseigné en France. Pas assez. Pas assez, eh bien, il faut y remédier. Mais j'insiste sur le côté poète de Léopold Sédar Senghor. Vous savez, sa belle formule, il dit qu'il est tombé par accident en politique. Que lui, ce comme qu'il vous voulait... d'ailleurs. Oui, oui, comme moi encore plus. Que ce qu'il voulait le plus, c'était terminer une thèse d'État sur les langues africaines, être professeur au Collège de France. Il est tombé en politique. Il le serait devenu d'ailleurs sans encombre. Sans problème. Plus tard, il sera à l'Académie française, comme vous le savez. Et il disait toujours qu'il voulait qu'on se souvienne de lui, comme d'un grand poète, d'un grand écrivain, beaucoup plus que d'un homme d'État. Que son œuvre poétique et littéraire était plus importante pour lui que son œuvre politique. C'était peut-être de la modestie, parce qu'il a eu une œuvre politique aussi considérable. Il a été aussi un précurseur en politique. Il a été l'un des apôtres du socialisme africain. À un moment de notre histoire encore trop méconnu, où Gaston Defferre avait prôné non pas l'indépendance des États africains, mais des étapes à l'intérieur de l'indépendance, et notamment avec un statut intermédiaire pour préparer les pays africains à l'indépendance. Que pensez-vous de cette période, qui fut un échec, et que prônait aussi d'ailleurs François Mitterrand, qui deviendra bien plus tard président de la République? Est-ce qu'avec le recul du temps, on peut s'autoriser à penser que Defferre et Mitterrand avaient raison de vouloir préparer les pays à l'indépendance ou pas, Abdou Diouf? Ah oui, je pense qu'ils avaient totalement raison de préparer les pays à l'indépendance. Ils l'ont bien fait. Il y a eu la loi cadre qui a institué des gouvernements autonomes. Ça, c'est évident. Mais ils ont commis une erreur. Je ne sais pas dans quelles conditions, j'étais trop jeune. Ils ont commis une erreur. Ils n'auraient pas dû donner l'indépendance dans le cadre de nos petits États. Mais ils auraient dû s'inspirer de ce qu'ont été les États-Unis et faire nous donner l'indépendance dans le cadre des fédérations qu'ils avaient déjà créées. La France nous avait déjà administrées sous le régime de fédération. L'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française. AOF, AEF. Ah oui, quand j'étais élève... Écoute, quand nous avons reçu le président Vincent Auriol, j'étais tout petit à l'école primaire. Quand nous avons reçu François Mitterrand comme ministre de la France d'Outre-mer, nous agitions nos drapeaux français en disant France AOF. Nous ne disons jamais France Sénégal. Alors je pense que si nous avions acquis l'indépendance dans le cadre de ces fédérations, nous aurions avancé beaucoup plus vite. Oui, mais il y a eu aussi l'acte de révolte du premier pays indépendant d'Afrique. Je veux parler de la Guinée avec Sékou Touré, qui en quelque sorte coupait l'herbe sous le pied au général de Gaulle et à toutes les hypothèses possibles de transition vers l'indépendance. Oui, je pense que cette période, cette indépendance isolée de la Guinée a été mauvaise pour l'Afrique occidentale et pour la Guinée, puisque finalement... La Guinée, après 50 ans ou 52 ans d'indépendance, est encore moins avancée que certains des pays qui ont attendu plus tard pour avoir leur indépendance. Hélas, nous allons écouter de nouveau la voix de Léopold Sédar Senghor, un extrait du discours d'investiture à Dakar le 5 septembre 1960. Et là, on va redécouvrir ô combien... Ce poète grammairien savait utiliser la langue pour dire ses espoirs. C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier, par la confiance unanime des représentants de la nation, à la tête de l'État sénégalais. Les Sénégalais ont prouvé au monde étonné qu'ils savaient, à l'heure du péril national, communier dans un commun vouloir de vie commune en oubliant leur querelle sous le baobab. Cette vibrante unanimité, je l'ai sentie hier dans les rues de notre capitale, où le peuple, toute race mêlée, noir, arabe, berbère, européen, clamait sa foi dans le Sénégal indépendant. Je suis sensible, pourquoi le cacher, à cette affectueuse confiance. Précisément à cause de cela, je suis profondément conscient des graves devoirs de ma charge. Il m'appartient de garantir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire de la République. Je n'y faillirai pas. Cher vieux Sénégal, Il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent. Il est temps que nous te rendions ton visage de jeunesse. Si je t'ai tant chanté, et de préférence ce pays bas où dorment mes ancêtres sous les palmes et l'Elysée, si je t'ai tant chanté, c'est que tu es ma patrie, la chair de ma chair, la chair de nos morts. On rêverait d'avoir des présidents en France ou ailleurs qui fassent des discours d'investiture aussi beaux. Mais déjà, en dehors de cette beauté de la langue, il y a quand même, dans le texte d'allocution de Senghor, il y a l'idée de patrie. Or, en fait, on sait que le Sénégal est devenu une patrie politiquement, que ça a été un geste politique, que c'est une cohabitation d'ethnies et de langues différentes. Donc, vous avez vécu, vous, Abdou Diouf, cette espèce de métamorphose de ce pays qui, d'ethnie, est devenu une patrie. Comment vous l'avez ressenti à l'intérieur de votre âme ? Écoutez, au moment où Senghor prononçait ces paroles, je venais de rentrer au Sénégal depuis 4 jours. Je suis rentré au Sénégal le 1er septembre 1960, breveté de l'École nationale de la France d'Outre-mer. Et pour moi, le Sénégal était déjà une nation. Le Sénégal est un pays où il y a un brassage harmonieux d'ethnie, de religion, de confrérie. Je n'ai jamais senti une division entre les Sénégalais. C'est un peuple qui connaît la tolérance, le respect mutuel. Il y a une chose très importante au Sénégal, c'est ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie, le cousinage. Moi, je suis considéré comme sérère, comme Senghor, puisque j'ai un nom sérère, Diouf. Mais quand un tout couleur ou un peul me rencontre, il dit que je suis son esclave, mais sur le ton de l'humour. Et moi, je dis, je peux avoir 2 réponses. Oui, je suis ton esclave, donne-moi maintenant les vêtements d'esclavage, tes vieux vêtements, donne-les-moi pour que je les porte. C'est une façon de dire qu'il me doit quelque chose, en tout cas un service ou une protection. Je peux répondre aussi, non, c'est toi qui es mon esclave, moi je suis ton maître. Alors, on peut passer des heures à discuter de ces questions. Au plus fort de la crise casamançaise. Car il y a eu un mouvement de sécession donc dans une des provinces qu'on nomme le grenier du Sénégal, qui est une magnifique région, la Casamance. La partie la plus verte du pays, c'est vraiment un véritable Eldorado. Et au plus fort de la crise casamançaise, quelqu'un s'est souvenu qu'il y avait un cousinage entre les Sérères et les Diola. Les Sérères, qui sont du nord Sénégal, l'ethnie de Senghor, un peu mon ethnie, et les Diola, qui sont l'ethnie dominante de la, en tout cas, la plus connue de la Casamance. Et on a commencé à faire des rencontres entre Diola et Sérères. On a appelé ça le congrès des origines. Extrait de Hors-Champ, Abdou Diouf, au micro de Laure Adler, réalisation Brigitte Bouvier, première diffusion sur France Culture, le 12 juillet 2010. France Culture, la France, la culture. Donc, France Culture est féminine. Les rimes féminines de France Culture. Voilà, comme autoroute. Une auto, une route. Oui. Ça donne autoroute. Une autoroute. Vous me direz... Quelle leçon. Une auto, une radio, ça donne un autoradio. Alors certes, on va oublier. Enfin, on ne va pas complètement oublier. Car la langue française est terriblement sexuée, tout en sachant se montrer furieusement asexuée. Selon Antoine Perrault, producteur du Tire-ta-langue qui suit, diffusé pour la première fois sur France Culture le 10 octobre 2010. Étude de genre, automatisme langagier, identité, etc. Soyez attentives et attentifs. Ah non, attends, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que c'était ? C'est... Ça paraît des mots, mais c'était pas des mots. De toute évidence, Adam invente alors l'hébreu. Avec la langue. Je pensais que vous disiez que nous parlions en japonais. Avec la langue. Oh, j'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve. Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Franck Lilin. Alors avant Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois. Linguam nostram, in qua nati sumus. Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde. Avoir sa propre langue comme un trésor et pas comme une prison. Il fut un temps où le sexe se voyait comme le nez social au milieu de la figure de rhétorique. Le beau sexe, le sexe faible, personne du sexe, toutes les variations étaient bonnes pour définir, voire déterminer un peu plus, la femme, prisonnière de visions et de visées essentialistes. La biologie, ou plutôt la représentation que nous sommes sommés de nous en faire selon les époques, s'avère marqueur anthropologique longtemps délaissé, telle la lettre volée d'Edgar Poe. Tout cela, traversé de rapports de pouvoir et de tensions afférentes, génère des caractéristiques sociologiques, psychologiques et culturelles, féminines et masculines, dont l'analyse est devenue un champ, les études de genre, qui fleurent bon le traduit du « gender studies » en anglais. On y traque l'idéologie dominante, les mécanismes sociaux, les processus éducationnels, les structures grammaticales, tout ce qui forge et affecte rôle, représentation, identité, le tout au pluriel. La langue française notamment, terriblement sexuée, tout en sachant se montrer furieusement asexuée, faut-il la prendre comme le taureau ou comme la vache par les cornes ? Que ressort-il d'une telle corrida linguistique, généalogique, déconstructionniste ? En duplex depuis Nancy, où elle enseigne à l'université, Sophie Bailly, membre du CRAPEL, Centre de Recherche et d'Applications Pédagogiques en Langue, auteur, en 1992, d'une thèse sur la différenciation sexuelle dans la conversation, qui a débouché sur un livre chez l'Harmattan, paru en janvier 2009, « Les hommes, les femmes et la communication, mais que vient faire le sexe dans la langue ?» Alors, si j'en crois les prémices des études de genre tentées en 1922 par le linguiste danois Otto Jeppesen, 1860-1943, dans la mesure où vous êtes une femme, Sophie Bailly, votre langage se distinguera par sa politesse, son vocabulaire restreint, ses nombreux adverbes d'intensité, le tout débité à toute vitesse. Alors qu'en est-il ? Puisque je suis un homme, je parle plus lentement. Sophie Bailly. Eh bien, il faudrait ajouter aussi que, selon Otto Jeppesen, comme je suis une femme, je ne finirai pas mes phrases, tout simplement parce que je n'ai pas suffisamment réfléchi à ce que j'allais dire après. Alors, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Et donc, il y a eu quelques progrès de fait depuis ce Danois du début du XXe siècle, et notamment avant même que les féministes ne s'emparassent, à partir de 1970, de ce thème, Sophie Bailly. Oui, heureusement, il y a eu un peu de progrès de fait. Mais entre Jeppesen et les années 70, il ne s'est pas passé grand-chose sur le plan de la recherche sur le rapport genre et langage. Bien entendu, il s'est passé des choses dans le monde féministe, de la pensée féministe, en particulier, dont tout le monde le sait, Simone de Beauvoir, qui a beaucoup inspiré, hein, bien sûr, les travaux de nos collègues américaines dans les années 70. Et je dis les collègues américaines parce que c'est vraiment elles qui ont initié la réflexion en sciences du langage autour de ce domaine. Et donc oui, heureusement, aujourd'hui, on en sait tout de même un petit peu plus. Mais je crois qu'il y avait eu, Sophie Bailly, dans les années 60, des sociolinguistes du genre William Labov, ou Labov, je ne sais pas comment on prononce, qui insistaient notamment, alors toujours dans la veine de notre Danois Jeppesen, qui insistait sur l'hypercorrection des femmes qui disent plutôt « yes » au lieu de « yeah », enfin plutôt « oui » que « ouais ». Mais ça continuait dans cette veine qui consiste à décortiquer la femme si possible pour en établir le maximum de faiblesses, non ? Oui, absolument. Dans les années 60, William Lebov et son confrère britannique Peter Trudgill effectivement faisaient des analyses variationnistes, donc enregistraient tout un tas de personnes de sexes différents dans des classes sociales bien sélectionnées et avaient découvert effectivement que dans une même classe sociale, les femmes semblaient être plus conservatrices, aller plus dans la direction de la norme du beau langage. Bon, en ayant tout simplement, et donc on avait tiré des conclusions qui allaient un peu dans le sens du naturalisme peut-être, en disant voilà, si la classe sociale est la même et que dans cette même classe sociale les hommes et les femmes ne se comportent pas de la même façon sur le plan linguistique, comment peut-on l'expliquer? Donc c'était pas tout à fait une explication trop naturaliste non plus, parce que ils avançaient des explications du type les femmes sont moins confiantes, n'ont pas de position sociale, voilà, n'ont pas de statut social, et elles vont compenser l'infériorité ou l'absence de statut en allant chercher dans la belle langue de quoi se construire une image valorisante. Et depuis, on a pu démontrer que à classe sociale égale, en particulier dans la classe ouvrière, les femmes exerçaient souvent, donc étaient classées sous la classe sociale du mari ou du père dans la classe ouvrière, mais lorsqu'elles avaient un emploi, c'était souvent des emplois qui les mettaient en relation avec les classes bourgeoises. Elles étaient employées de maison, elles étaient infirmières, institutrices, s'occupaient d'enfants, étaient vendeuses, et donc en fait elles avaient un rapport, elles étaient dans une mixité sociale plus grande que ne pouvaient l'être leur mari et leur père. Et donc ça a pu être démontré par des études ultérieures sur les études de réseau, hein, où on voit que les êtres humains ne sont pas cantonnés dans une classe sociale, mais que dans une classe sociale, ils sortent éventuellement de leur classe pour se mélanger, pour se confronter, communiquer avec des locuteurs venus d'autres horizons sociaux. Mais un peu plus tard, je crois qu'un autre qui doit s'appeler Lakoff, et il avait insisté sur ce langage féminin qui, du fait de son infériorité intériorisée, si j'ose dire, multipliait les qualificatifs inutiles, oh, c'est vraiment formidable, les questions un peu chichi pompon Marie Chantal, la guerre du Vietnam, c'est terrible, non ? Enfin, et la femme se sentait obligée, requise, d'apparaître dans toutes ces expressions et dans les mots, non pas choisis, mais imposés, qu'il lui fallait employer, d'apparaître comme une ravissante idiote. Absolument. Alors, sauf que ça n'est pas un homme, c'est une femme, Robin Lakoff, une linguiste américaine. Je suis victime de Robin Desbois, excusez-moi. Oui, c'est trompeur. On est en plein dans le sujet, là, d'ailleurs. Tiens, absolument, absolument. Et Robin Lakoff a effectivement été la première à tirer une sorte de sonnette d'alarme parmi les linguistes américaines de cette époque. Je dis les linguistes parce que quand même au départ, c'était quand même des préoccupations de femmes universitaires, de femmes blanches, de femmes éduquées. Et donc, elle a peut-être un peu eu le même défaut d'Otto Jespersen qui lui aussi a observé les femmes de sa classe sociale pour en tirer des conclusions qui lui permettaient de généraliser à l'ensemble des femmes. Et Robin Lakoff a peut-être commis un peu cette même erreur d'observer, se parler polissé des femmes bien élevées, de la bourgeoisie, voilà, de ces femmes bien éduquées, tout en retenue, tout en modestie, qui ne pouvaient pas faire d'éclat de voix, utiliser des mots réservés aux hommes, etc. Et toujours se montrer dans une sorte d'insécurité. Elle disait les femmes utilisent plus souvent une intonation montante pour montrer qu'elles ne sont pas sûres de ce qu'elles disent, même quand elles sont certaines de connaître la réponse. Et en fait, le travail de Robin Lakoff est fondateur et vraiment important, à côté de celui d'une autre linguiste un peu moins connue, mais dont le travail était peut-être plus scientifique, qui s'appelle Mary Ritchie. Mais en tout cas, il a vraiment été le lancement, alors, à ce moment-là, de toute une série d'études de terrain avec une scientificité, disons, plus importante. C'est aussi l'époque où on peut commencer à enregistrer l'apport des mécaniques, des machines à enregistrer dans le champ de la linguistique et en particulier de la linguistique sociale. Et donc, elle a lancé un peu cette réflexion en disant nous, les femmes, effectivement, nous avons intériorisé cette domination, y compris jusque dans la parole, et il semble que nous ne pouvons pas prendre notre place parmi les métiers d'hommes. La parole publique nous est interdite. Voilà, donc, mes sœurs, réveillez-vous. Il est temps de faire valoir vos compétences et votre voix et de sortir de ce carcan et de ce carcan de stéréotypes. Ce qui sera démontré par la suite qu'il s'agit largement de stéréotypes. Mais est-ce que vous savez, Sophie Bailly, s'il y a eu des études de fait dans le registre politique, indépendamment du message, hein, mais notamment sur la réception de Ségolène Royal en 2007, parce qu'il me semble qu'elle passait son temps, lors de ses interventions, à ne pas se plier à tout ce qu'avait pu étudier Robin Lakoff, notamment à interrompre. Or, l'interruption était essentiellement mâle pendant très longtemps dans le discours, n'est-ce pas ? Absolument. Une idée très répandue est que l'interruption, le fait d'interrompre, c'est une prérogative masculine, c'est un trait de la conversation masculine. Et alors je reviendrai un peu sur Ségolène Royal et la politique après, mais sur ce point d'interruption, c'est très intéressant parce que c'est peut-être un des champs qui a été le plus exploré par les études de terrain. On a vraiment beaucoup de données sur des interactions entre femmes, entre hommes et femmes, dans des circonstances différentes, en famille, entre amis, au travail. Donc on dispose vraiment de beaucoup de données sur ce thème de l'interruption. Et ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à une conclusion définitive. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'études et beaucoup de contradictions. Autant d'études qui prouvent que les hommes interrompent plus souvent que d'études qui prouvent que l'interruption est parfaitement une norme chez les femmes et peut-être même qu'elles interrompent davantage. Donc sur ce terrain, il y a encore beaucoup à faire. Et puis, sur le plan des études linguistiques sur la parole des femmes politiques, moi, je n'en connais pas pour la France. Assez récemment, comme j'ai été en contact avec un jeune chercheur de sciences politiques qui s'intéressait pour son mémoire de fin d'études à cette question de la parole des femmes en politique, mais il ne s'agissait pas d'une étude véritablement linguistique, hein, avec une analyse des traits récurrents. Mais ce que je pourrais dire là-dessus, en tout cas, c'est que c'est vrai que les femmes sont dans une double contrainte. Je vous ai parlé tout à l'heure de Mary Ritchie. C'est elle qui, dans son ouvrage en 72, je crois, parle la première de ce phénomène de double contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, basiquement, on parle la même langue, mais il y a des traits dans la langue qui sont connotés par la société comme plus masculins ou comme plus féminins. Et donc, la femme qui va sortir de son territoire, en quelque sorte, prend le risque d'être mal jugée, mal évaluée. Voilà, c'est une harpie, c'est une femme qui sort de son rôle. Et donc, en empruntant trop du côté des traits masculins, elle prend ce risque d'être mal évaluée. Et d'un autre côté, en restant, en se cantonnant au registre féminin, eh bien, la parole publique, par exemple, l'opposition politique, le conflit, la discussion contradictoire, voire agressive, lui est interdit parce qu'à ce moment-là, elle n'incarne plus l'idéal féminin. Donc c'est très problématique et je pense qu'elle a effectivement tout un champ voilà, qui vaudrait la peine d'être exploré. Alors, Sophie Bailly, ces signaux qu'on envoie dans la langue, il ne s'agit pas uniquement de stéréotypes, l'homme de l'art, le panier de la ménagère, déjà construit, mais il s'agit, vous appelez des sexotypes langagiers, qui sont une façon de se faire reconnaître dans le discours qu'on emploie. Alors après, on se posera la question de savoir si cela reflète ou forge une condition même, hein, bien entendu. Mais je voudrais revenir sur ce terme de sexotype langagier. J'ai essayé de trouver une formule un peu plus économique que celle de stéréotype discursif sexué. Donc je ne sais pas si étymologiquement j'ai le droit de composer ce néologisme. En tout cas, oui, je voulais rendre compte du fait que dans la langue, il y a probablement une série de traits. Vous en avez cité tout à l'heure les euphémismes les euphémismes ou les exagérations par les femmes. C'est magnifique, oh comme c'est formidable. table, voilà, tous ces particularismes qu'on entend plus facilement, disons, dans la bouche d'une femme ou dans celle d'un homme, qu'on entend pas seulement en réalité, hein, mais qu'on projette plus facilement dans la bouche d'une femme que d'un homme. Donc j'ai voulu rendre compte de ces automatismes un peu langagiers qui sont reproduits, réutilisés, et qui servent, comme vous l'avez bien dit, alors non seulement sont le reflet d'une condition, mais aussi permettent de la créer, à tel point que certaines donc collègues américaines, anglaises, qui ont travaillé par exemple avec des homosexuels ou des transgenres, qui par exemple travaillent dans le sexe au téléphone et qui donc au bout du téléphone peuvent personnifier, alors qu'ils sont de sexe biologique masculin, peuvent personnifier des images, certaines images de femmes, en recourant à ces sexotypes langagiers. Donc ces façons de dire que l'on associe, qui sont plus fréquemment associées dans l'imaginaire linguistique à des femmes qu'à des hommes. Mais là, nous sommes, Sophie Bailly, dans une sorte d'exemple extrême de ces façons de dire réputées masculines ou féminines. Mais le besoin d'être reconnu dans son identité sexuelle alors qu'on prend la parole répond à plusieurs nécessités ou à plusieurs désirs, qui peut être un simple désir de reconnaissance, par exemple, j'imagine, mais il en est d'autres. Est-ce que vous pourriez, en établir la liste entière, mais nous faire comprendre à quel moment on envoie ces signaux? Pour moi, je l'ai analysé en termes, effectivement, d'un désir de rapprochement, d'affiliation, c'est-à-dire qu'il y a sans doute des situations où le locuteur ou la locutrice a un intérêt à envoyer des signaux d'une identité sexuée comment conforme avec le sexe biologique ou non, peu importe, hein, c'est l'identité sexuée assumée qui est intéressante. Donc effectivement, on peut analyser des cas où deux femmes qui font connaissance, qui ne se connaissent pas, peuvent facilement aller sur des sujets de conversation typiquement féminins pour se construire comme cela un terrain commun et être en connivence. Le désir de reconnaissance, donc je parlais tout à l'heure dans les milieux homosexuels ou transgenres, c'est parfois par une façon de parler qu'on affirme une certaine fierté à être ce que l'on est dans un monde où c'est assez difficile d'assumer une différence, voire une marginalité dans son sexe ou dans sa sexualité. Mais je pense quand même qu'il y a des situations dans lesquelles cette identité sexuelle n'a pas lieu d'être ou a moins lieu d'être. Et je m'intéresse assez à la façon dont sont construites effectivement les identités sexuelles sexuées dans le cadre du travail. Je pense qu'il y a des tas de situations où au travail aujourd'hui, le fait d'être une femme ou un homme n'a aucune importance en réalité, n'a pas d'incidence sur la compétence professionnelle. Extrait de Tire ta langue, Sophie Bailly par Antoine Perrault, première diffusion sur France Culture le 10 octobre 2010. J'ai en train de me poser la question. C'était France Culture, 50 ans de radio. Une émission de Philippe Garbi et Emmanuel Laurentin. Ça ne s'oublie pas. La création. L'onde vole, le ciel vole, mon chapeau vole, et vole aussi mon cœur plein de bonheur. La semaine prochaine, les sentiers de la création. Document INA, Sophie Gillery, Hervé Evano, Aude Vassan, Véronique Jolivet. Mixage, Guillaume Ledu. Prise de son, Claude Niort. Réalisation, Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr, à la page de l'émission durant 1000 jours, ou la télécharger pendant 15 jours.